entends mon cri, écoute ma prière. Depuis les confins de la terre, je crie vers toi. Quand mon cœur est abattu, quand mes forces désertent, conduis-moi sur le rocher plus haut que moi, là où mes bras ne peuvent m'élever, car tu es pour moi un refuge sûr, une tour forte contre l'ennemi. Je veux ce jour. Cacher à l'ombre de tes ailes, ô mon roi, car tu entends les vœux de nos cœurs brisés. Tu donnes l'héritage à ceux qui craignent ton nom, car tu es soit sa garde, sa muraille de lumière.